C'est officiel, hein? Je tape à ta porte. Toi et nous, y'a aucun rapport. Ouvre-moi la porte. Pour l'amour du ciel, blindé comme un tank. Je viens pas pour le sel. Ouvre-moi la porte. Pour l'amour du ciel, blindé comme un tank. Je viens pas pour le sel. Blablabla, que ça chante. Retete, ouais, que ça chauffe. J'insulte les motards de ma chambre. Il dit qu'il me cherche chez lui. Faut que je la chope. J'suis dans la jam. Fuck les hops, c'est noir ce qui se passe en bas des blocs. Vers minuit, ça fait cher les tocs. J'suis un kiffer comme Billy Jean. Tu peux me croiser, celle dans ta grand classico, on de les gens. Un verre et j'fais danser les gens. Grand classico, on de les gens. Un verre et j'fais danser les gens. Elle est trop belle comme une pomme, j'vais la croquer. L'amour, c'est de la drogue, ouais, j'suis drogué, j'suis choqué. On dirait qu'elle est glauque. Je cherche pas ailleurs, ouais, j'ai trouvé ma beauté. Señorita, laisse le passer les histoires qui datent. Quand je te vois danser, j'ai le cœur qui bat. Dis-moi, je t'aime, le reste on verra plus tard. On s'embrouille, mais pas de sentiments qui partent. On va s'aimer, señorita. Toujours la grinta, un petit puto, pas le King Kong, y'a des chicas. Sur le péton, ça grand gito. Une âme chargée dans un biton, sur le guidon, dans un bito. Toto, Marseille, beaucoup leur vie en misée. Flash de Vovo, la nuit, sa bandit alcoolisée. J'rôle d'un bois Toto, Toro, ta bloc pétarisé. J'pense à ce couteau qui s'est manqué, envie de le faire glisser. Y'a du gaz dans la bombe, là j'suis refait sa mère. Et moi j'fume un gros con avec la vue sur la mer. Le statut a changé, et toi tu parles comme ça, mon frère. Maintenant que t'as bien mangé, tu veux nous la faire à l'envers. Y'a du gaz dans la bombe, là j'suis refait sa mère. J'fume un gros con avec la vue sur la mer. Le statut a changé et toi tu parles comme ça, mon frère. Maintenant que t'as bien mangé, tu veux nous la faire à l'envers. J'suis parisien, j'suis pas en retard. J'ai un tour d'avance départ. Putain, c'est quoi ce gros pétard? Elle clique, clique, bow. Ce soir, j'lui enfonce la tour Eiffel. Non, y'a pas que de l'eau dans la vitelle. Désolé, l'ancien, t'es plus actuel. Tu dates comme téléphone Alcatel. J'ai perdu quelques amis, mais bon, merde, c'est la vie. 9-3, Seine-Saint-Denis. Si ça devient Hami, puis tout petit je veux du Khalis. J'ai grandi, je veux des cabis. Dans la valise, y'a le camis. Pour pas me perdre dans les abysses. Y'a la popopo, y'a la popopo. Ah ah, y'a la popopo, y'a la popopo. Tu parles comme ça, mon frère. Maintenant que t'as bien mangé.